إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، donc nous continuons notre série de cours dans le hadith, qui est en fait l'explication de 21 hadiths dans la croyance et le suivi de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. Et nous étions donc arrivés au 16e hadith. Donc Cheikh nous dit, le hadith 16, Atharu al-ilmi wal-huda, alladhi ja'a bihi al-rasul Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam fi asnafin nas. Donc ça, c'est en guise de titre, c'est l'influence de la science et de la guidance avec lesquels est venu le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur les différentes catégories de gens. Hein, on avait dit, expliqué que al-fiqh ici, il est dans Tarjama déjà, avec le titre, vous comprenez déjà le sujet du hadith. Et on commence directement le hadith. An Abi Musa al-Ash'ari radiallahu anhu arzah, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam aqal, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله عز وجل وفي دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث رواه البخاري في الصحيح كتاب العلم، ومسلم في الصحيح كتاب الفضائل، وأحمد في المسند. Donc ici, par rapport au hadith d'après Abu Musa al-Ash'ari qu'à la grille رضي الله عنه أرضاه, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, ce avec quoi Allah m'a envoyé comme science et guidance est à l'exemple de la pluie abondante qui tombe sur une terre. Une partie de cette terre propre accepte l'eau. Hein, vous allez voir que Cheikh explique Naqiyya par Tayyiba, comme dans une autre version du hadith, bonne, hein, accepte l'eau et donne de l'herbe et du pâturage en abondance. Une autre partie, stérile, aride, qui retient l'eau, Allah en fait tirer bénéfice aux gens et ils peuvent en boire et irriguer et semer les plantes. Et une autre partie est marécageuse, stérile, et ne retient ni l'eau ni ne donne de pâturage. Ceci est à l'exemple de celui qui comprend la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et ce avec quoi Allah m'a envoyé lui a été utile, il a su et a enseigné. Et l'exemple de celui qui ne prête pas d'importance à cela et n'accepte pas la guidance d'Allah avec laquelle j'ai été envoyé. Le hadith, comme on a dit, rapporté par le Bukhari dans son authentique chapitre de la science, Muslim également dans son authentique, dans son sahih, dans Kitab al-Fada'il, hein? Et Ahmed dans son Musnad, vous avez la référence pour ceux qui ont le livre, c'est volume 4, numéro 399. D'accord. Rawi al-Hadith, qui est le rapporteur du Hadith. Donc toujours comme sur la même méthodologie, on a le titre du Hadith qui explique le fiqh al-Hadith, qui nous donne déjà en tout cas une indication sur le Hadith. On a le rapporteur du Hadith, on a le Hadith, on fait ensuite le takhrij du Hadith, la biographie du rapporteur du Hadith, et ensuite on rentre inshallah dans le sens général du hadith ou l'explication du hadith, et ensuite on termine inshallah par les bénéfices tirés du hadith. Donc ici, quel est le rapporteur du hadith? Rawi al-hadith أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار صحابي مشهور هاجر إلى مكة ثم إلى الحبشة ثم إلى المدينة، واستعمله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناحية من اليمن. كان شجاعا عالما عاملا، وله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على الكوفة والبصرة، فتح الأهواز وأصبهان وعدة أمصار، مات سنة 50 رضي الله عنه وأرضاه. Donc qui est Abu Musa al-Ash'ari, qui est le rapporteur de ce hadith? Donc Abu Musa al-Ash'ari, donc Abu Musa c'est quoi, c'est son nom ou sa kunya? Kunya na'am, barakallahu fikum, sa kunya. Tandis que son nom c'est Abdullah ibn Qais. Abdullah ibn Qais ibn Salim ibn Hidar. Abdullah ibn Qais ibn Salim ibn Hidar. Sa kunya Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa. C'est un célèbre compagnon qui a émigré, qui a fait l'émigration, l'égir, vers la Mecque, puis vers l'Abyssinie, l'Habasha, puis vers Médine. Donc la Mecque, puis ensuite l'Abyssinie, puis Médine. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a placé à la tête d'une région du Yémen. Il était courageux, radiallahu anhu arda, savant et pratiquant. Omar ibn al-Khattab, deuxième calife parmi les quatre califes bien guidés, radiallahu anhu arda, l'a placé comme gouverneur de Al-Kufa et Al-Basra, qui est Basra, d'accord, qui est où pour actuellement, Basra en Irak. Et Kufa, pareil, non. Donc il fut à la tête de la conquête de Al-Ahwaz ou Asbahan et d'autres régions encore. Il est décédé, radiallahu anhu arda, en l'an 50 de l'Hégire. Et on a fini donc avec sa biographie. Donc, Cheikh Rabi', vous connaissez sa méthodologie maintenant, on a déjà fait assez de hadiths comme ça, pour savoir qu'il fait toujours une biographie succincte. Hein, ce n'est pas une biographie très détaillée, mais ça nous suffit pour savoir qui est le rapporteur du hadith. D'accord ? Donc, maintenant, on rentre dans le vocabulaire du hadith, al-mufradat. Al-mathal. Al-muradu bihi huna al-sifatu al-ajibatu lal-qawl al-sa'ir. Qu'est-ce que nous dit le Cheikh ici ? Qu'est-ce qu'on veut dire par al-mathal ? C'est ce qui est entendu ici, c'est l'attribut étonnant. Non pas le proverbe, al-qawl al-sa'ir. D'accord ? Al-mathal, ça veut aussi dire proverbe, hein, une parole qui est connue, un dicton, d'accord ? Al-huda, al-dalalatu, al-mousilatu, ila al-matloub. Ça c'est important. Al-huda, ma hiya al-huda ? Si on vous demande à dire, c'est quoi al-huda ? Ou ma huwa al-huda ? Tu dis, الدلالة الموصلة إلى المطلوب. Très facile à retenir. الدلالة الموصلة إلى المطلوب. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la guidance qui te fait arriver au but. C'est ça le huda. La guidance qui te fait arriver au but. Ensuite, الغيث الكثير هو المطر العام. الغيث الكثير, c'est la pluie générale qui englobe, hein, abondante. نقية, hein. Et c'est ce que je vous ai dit dans la traduction du hadith. Cheikh, il dit ici quoi ? طَيِّبَهْ كَمَا فِي الرِّوَيَةِ الْأُخْرَى. Et ça, c'est un point important à comprendre aussi. Et notre frère, hafdahullah, Abu Hassan Malik, le frère américain qui était venu il y a à peu près, je pense, une semaine ou deux semaines, qui était passé ici, avait souligné ce point-là. Il avait expliqué l'importance de quoi ? De... Vous vous souvenez plus ? De... Regardez ici, qu'est-ce qu'on a dit ? نَقِيَهْ. On comprend que naqiyah c'est tayyibah comme fait riwayat al-ukhra, comme c'est rapporté dans l'autre narration, dans l'autre version du hadith. Qu'est-ce qu'on prend ici comme faïda? Bien, tout simplement, comme l'avait dit le frère, et c'est un truc très important à comprendre, eh bien c'est quoi? C'est l'importance de regrouper les différentes versions du hadith, hein? Et ce qu'on appelle tatabu' al-turuq wa jam' al-turuq, jam' al-riwayat, etc. C'est quoi? C'est de, quand on étudie un hadith, de l'étudier avec toutes ces versions différentes, toutes ces chaînes différentes, pour avoir le plus d'informations possible, d'accord? Ça va? Vous le voyez bien ici, hein? Si on vous dit, bah, comment t'as su que naqiyah, ça veut dire tayyibah? Bah, tu dis, comment fait riwayat al-ukhra, une autre riwaya, où c'est tayyibah. Donc tayyibah, elle explique c'est quoi? Naqiyah. Donc vous voyez l'importance de quoi? De regarder les autres chaînes de transmission aussi, les autres, en tout cas, les autres versions du hadith. D'accord? Al-kala, ma huwa al-kala, yutlaqu ala al-nabati al-ratbi wal-yabisi ma'an. Alors c'est quoi le kala? Ici, c'est... On l'utilise pour nommer les plantes, végétation, qu'elles soient sèches ou humides. Donc sèches et humides. Ensuite, al-ushb. C'est quoi l'ushb? C'est un nabatur ratb. Donc regardez, le kala, c'est quoi? C'est yutlaqu ala annabat ratb wal yabis ma'an, les deux, ratb wal yabis, ce qui est sec littéralement et humide, hein? D'accord? Et le deuxième, c'est quoi? L'ushb, c'est annabatu quoi? Al ratb. Si vous voulez, na'am, humide, d'accord? Donc ici ensuite on arrive à quoi? Al ajadi. Vous voyez la progression dans le hadith. Pourquoi dans le hadith? Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète alayhi salam sallam? Fa'anbatat al kala wal ushb al kathir. Ensuite il nous dit minha ajadi. Hein? Ensuite il nous dit innama hiya qiyan. Hein? Donc c'est important de comprendre les différents types de terres pour comprendre les différents types de personnes, de gens. Hein? Donc quoi? Ajadib jam'u jadbin bi fathi dal muhmala wa hiya al-ard as-salba allati la yanḍabu minha al-ma'. Donc c'est qu'est-ce que ça veut dire ajadib? C'est quoi? C'est le pluriel de jadb avec une fatha comme ici le cheikh nous dit sur الدال دونك جدب اون فادير بلوتو جدب المهمله وهي الارض الصلبه سي كوا الارض الصلبه سي لا تير دور سوليد دون لو نو تاري با ني سي انفيلتر با سادير كو لو ريست هان او دسو داكور نعم كي نابسورد با لو داكور او لا لاكيل لو نو لو سانفيلتر با سا سي امبورطون بور كومبراند بوركو باسكو اون فا فوار كو سي جور دو تير لا même si elle ne donne pas beaucoup de végétation de plantes, eh bien elle reste bénéfique. Pourquoi? Parce qu'on va voir dans le hadith, c'est quoi? C'est que les gens peuvent en tirer bénéfice, utiliser l'eau, etc. Et il va faire en fait ensuite quoi? Le rapport avec les différents types de gens, d'accord? Ou plutôt le type de gens qui correspond à ce genre de terre-là. Qiyan, qu'est-ce que veut dire Qiyan? Le cheikh nous dit Jem'u qa' wa huwa al-ard al-mustawiya al-malsa al-lati la tanbut ou la tunbit. Qiyan veut dire pluriel de qa', c'est la terre aplanie, plate, lisse, stérile, qui ne donne pas de végétation. Alors, le shir, ici, qu'est-ce que. Vous voyez, d'habitude, on avait une phrase qui disait toujours le shir, il disait Al-ma'na al-ijmal il al-hadith. Ici, il va dire plutôt quoi? Tawdihu had al-mathal. C'est-à-dire la mise en évidence, l'explication de cet exemple, de cette métaphore que le prophète alayhi salam a fait. D'accord? Qu'est-ce que nous dit le shir ici? ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه وكذا كان حال الناس قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام فكما أن الغيث يحيي به الله البلد الميت فكذا الوحي من الله يحيي به القلوب الميتة. Voilà, ici déjà on a compris le hadith ici. C'est quoi l'explication du hadith ici? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de ce avec quoi il est venu comme religion, par la pluie générale, abondante, qui descend sur les gens alors qu'ils en ont besoin. Et qu'est-ce que ça nous indique ici? C'est ce que dit le shir dans la suite. Et telle était la situation des gens avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que les gens étaient en état de besoin de quoi? Hein? De la religion, de la guidance avec laquelle est venu le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que le titre dit Atharul ilmi wal huda alladhi jaa bihi ar-rasul Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi asnaf an-nas. Parce que justement les gens étaient en état de besoin avant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam. Donc comme on a dit, et telle était la situation des gens avant l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, ils étaient en état de besoin. Comme Allah a fait revivre une terre morte avec la pluie, eh bien la révélation d'Allah fait revivre les cœurs morts. C'est clair ce point-là? Ensuite, le shirk continue en disant قال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Sourate l'An'am. Qu'est-ce que nous dit le shirk ici? La traduction du sens de la parole d'Allah dit: est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Hein, vous voyez l'image, hein? Sourate l'An'am verset 122. Sourate l'An'am verset 122. فالنور هنا نور الوحي والظلمات ظلمات الجهل والكفر والضلال. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم السامعين لما جاء به بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث. Donc la lumière ici qui est rapportée dans le verset du Coran ici, hein, comme on a dit, et nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens Donc cette lumière ici est la lumière de la révélation, al-wahi, nur al-wahi. Et les ténèbres, al-dhulumat, sont les ténèbres de l'ignorance, al-jahl, de la mécréance, al-kufr, et de l'égarement, al-dhalal. Wal-i'adhu billah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a ensuite donné comme exemple, pour ceux qui entendent, ce avec quoi il est venu, l'exemple de différents genres de terre sur laquelle la pluie tombe. Et là, maintenant, on va voir les différents types de terre et donc les différents types de personnes, de gens qui correspondent à ce type de terre-là, d'accord ? Donc, Cheikh nous dit, « Awwalan fa minhum al-alimu wal-amilu al-muallim fa huwa bimanzilati l'ardi t-tayyibati sharibat fantafa'at fi nafsiha wa anbatat fanafa'at ghayraha. » Première catégorie des gens, donc le Cheikh nous dit, « Fa minhum, parmi eux, le savant qui pratique et enseigne. » Hein? Qu'est-ce que ça vous rappelle ça pour ceux qui ont une bonne mémoire, masha'Allah, et qui étudient à la maison? J'ai cité un mot une fois dans un cours, dans un des premiers cours, qui reprend ces trois caractéristiques-là. Hein? Vas-y, Daoud. Hein? Dis. Al-Rabbani. Al-Alim al-Rabbani. C'était quoi l'Alim al-Rabbani? On avait rapporté que. قال الأعرابي كما جاء في الفتح يعني فتح الباري العالم رباني الرباني من كان عالما عاملا معلما. Vous souvenez de ça? C'est quoi العالم رباني? C'est من كان عالما, celui qui est un savant, عاملا, qui met en pratique cette science là و معلما. Regardez ici, فمنهم العالم والعامل المعلم. فهو بمنزلة الأرض الطيبة. Donc qu'est-ce que nous dit le Cheikh ici? Il est au degré de la bonne terre qui a bu l'eau et en a tiré profit. D'abord pour elle-même et ensuite donner des plants de la végétation qui va profiter à autrui. Est-ce que c'est clair pour cette première catégorie-là? D'accord? Donc c'est une catégorie qui est quoi? Qui? Des gens qui a bu l'eau, qui en a tiré profit. Donc c'est-à-dire qui a accepté la guidance, qui a accepté la science, en a tiré profit déjà pour eux-mêmes parce qu'ils savent, ils pratiquent et en plus on en fait profiter à autrui. D'accord? Thaniyan wa minhum. Donc deuxième catégorie de gens. Al-jami'u lil-ilmi al-mujtahidu fi tahsilihi. Lakinahu lam ya'mal bi nawafilihi ou lam yatafaqqah fi ma jama'a ghayr annahu addahu li ghayrihi. Fahuwa bi manzilati al-ard allati yastaqirru fiha al-ma' فينتفع الناس به وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. Vous voyez que ce hadith revient de manière récurrente dans nos cours, hein? Vous vous souvenez du hadith, vous en avez parlé, hein? Avec l'application de Cheikh Abdelazak al-Badr, hafidhahullah. On avait dit نضر الله امرأة, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui entend son hadith, le mémorise, hein, le comprend et le reporte comme il l'a entendu. C'est quoi la récompense? نضر الله امرأة. C'est qu'Allah l'embellit. Et Cheikh Abdel Zakh al-Badr, on avait dit, il disait qu'il l'embellit de manière extérieure ou intérieure. N'aim barakallahu fik. Cheikh Mokbil nous disait dans ce shurouh de ce hadith-là, il disait « Ay ja'alahu dha nadaratin ».« Dha nadaratin ». Hein? J'ai entendu une cassette, donc on ne croit pas qu'on étudie Cheikh Mokbil. Hein? « Ay ja'alahu dha nadaratin ». C'est-à-dire qu'il le donne une beauté. Et Cheikh Abdel Zakh al-Badr nous donne une information en plus que c'est une beauté intérieure ou extérieure. Donc on revient encore à ce hadith-là ici. Donc la deuxième catégorie de gens parmi eux également, donc qui? Celui qui compile la science. Comme il a dit le Cheikh ici, al-jami'u lil-ilm. Hein? Et fait beaucoup d'efforts pour l'acquérir. Al-mujtahidu fi tahsilihi. Mais il ne la pratique pas. Il ne pratique pas ses actions surrogatoires. Hein? Il a dit ici, attention, lakinhu lam ya'mal bi nawafilihi. Il n'a pas dit qu'il ne la pratique pas tout à fait. Hein. Il a dit qu'il ne pratique pas ses actions surrogatoires. Ou il n'a pas accédé au degré de compréhension de ce qu'il a compilé, regroupé. Sauf que lui l'a transmise à autrui. Hein? Et ça, c'est quelle terre? C'est la terre qui, comme tu avais dit tout à l'heure, Hassan, c'était quoi? L'absorbe, qui n'absorbe pas l'eau. Na'am. Donc, il garde l'eau, quoi. Qu'est-ce que va faire les gens à ce moment-là? Ils vont en tirer profit, vont s'en servir, d'accord? Donc je répète, hein, celui qui compile la science et fait beaucoup d'efforts pour l'acquérir, mais il ne pratique pas ses actions surrogatoires. Hein, nawafilihi, le Cheikh a dit, lam ya'mal bi nawafilihi. Ou il n'a pas accédé au degré de compréhension de ce qu'il a compilé. Regroupé, sauf qu'il l'a transmis à autrui. D'accord ? Donc le cheikh a dit ici, غير أنه أداه لغيره. Il est donc à l'exemple au degré de la terre sur laquelle l'eau reste établie. فهو بمنزلة الأرض التي يسقره فيها الماء. Les gens peuvent donc en tirer profit. Il est celui que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a indiqué dans sa parole, qu'Allah embellisse un individu qui a entendu ma parole, l'a comprise et l'a ensuite transmise comme il l'a entendue. On avait dit que le Cheikh Abdel Zahbad, il a dit Naddar Allah imra'an. En fait, c'est une dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De quoi ce qu'on doit essayer de faire? De rentrer dans cette dua en étudiant le hadith, en le comprenant et en le transmettant à autrui. C'est le but de notre cours d'ailleurs ici depuis à peu près maintenant 3 mois, et on a presque fini le livre, inshallah ta'ala. D'accord. Maintenant, troisième et dernière catégorie de gens. وَمِنْهُمْ ثَالِثًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْمَعُ الْعِلْمَ فَلَا يَحْفَظُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ وَلَا يَنْقُلُهُ لِغِيرِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ السَّبْخَةِ الْمَلْسَاءِ الَّتِي لَا تَقْبَلُ الْمَاءَ أَوْ تُفْسِدُهُ عَلَى غَيْرِهَا وَإِنَّمَا جُمِعَ فِي الْمَثَلِ بَيْنَ الطَّائِفَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ الْمَحْمُودَتَيْنِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْانْتِفَاعِ بِهِمَا وَأَفْرَادَ الطَّائِفَةَ الثَّالِثَةَ الْمَذْمُومَةَ لِعَدَمِ النَّفْعِ بِهَا. Donc qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Celui qui entend, donc troisième catégorie de gens, parmi eux, celui qui entend la science, mais ne la mémorise pas, et ne la pratique pas, le yadu billah, et ne la transmet pas. Donc celui-là, il y a l'exemple de quelle terre? Il y a l'exemple de la terre stérile, marécageuse, quand vous revenez dans le dictionnaire, une terre saline. Vous savez, vous voyez un peu quel genre de terre c'est, qui est stérile. On ne peut pas semer dessus, on ne peut pas en tirer de profit. Qui n'accepte pas l'eau et corrompt cette eau, la pervertit pour autre qu'elle. Donc non seulement elle est stérile, elle n'accepte pas l'eau, et en plus quoi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la pervertit pour autre qu'elle, d'accord? Donc il n'y a pas de faïda dans ce genre de terre-là, ni pour elle-même, ni pour autrui. Donc vous voyez directement quel genre de personne c'est. Et ici, il y a un point qui est rapporté par le cheikh ici qui est très important. Parce que dans le hadith, quand vous analysez, et c'est ce que va dire le cheikh ici, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a regroupé dans l'exemple les deux premières catégories dont il a fait l'éloge, parce qu'il y a deux catégories dans lesquelles il a fait l'éloge, on est d'accord. Et une catégorie qu'il a critiquée, blâmée. Okay? Et vous voyez que les deux premières dont il a fait l'éloge, il les a regroupées ensemble. Il a dit le cheikh, وإنما جمع عليه الصلاة والسلام في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a regroupé dans l'exemple les deux premières catégories dont il a fait l'éloge que pour leur association dans le fait d'être bénéfique. Et la troisième, elle est citée à part, seule. Et il a cité la troisième, celle qu'il a blâmée, qu'il a critiquée, à part, car elle n'est pas bénéfique. Et maintenant quoi? النصيحة للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وجزاه الله عنا وعن جميع المسلمين خير الجزاء. الشيخ نودي فعليك أخي بالعلم النبوي والعمل به يرفعك الله به. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, سورة المجادلة. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, سورة الزمر. وعليك بالعمل به والدعوة إليه, قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين, سورة فصلت. Qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Tu te dois donc, ô mon frère, d'apprendre la science prophétique et la pratiquer. Et quel est le résultat de ça? Évidemment, Allah t'élèvera par cette science. Et c'est des versets qu'on a déjà cités au début des cours qu'on a fait, une introduction sur l'importance de la science, la préscience de la science et des gens de science. Vous vous souvenez, on avait cité ce verset de Surat Mujadala et ce verset de Surat Zumar, on en avait cité d'autres. La traduction approximative du sens de la parole d'Allah dit « Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. » Surat Mujadala, verset 11. Et également, donc traduction d'un autre verset, du sens d'un autre verset, dit, « Qul, hal yastawi, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Surat Zumar, verset 9. Cheikh nous dit donc, continuons encore notre nasiha, tu te dois de pratiquer cette science et d'appeler à cette science. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah, fait bonne œuvre et dit, je suis au nombre des musulmans. Surat Fussilat, verset 33. Cheikh continue en disant, hafidhahullah ta'ala, وَحْرِسْ أَنْ تَكُونَ مِنَ النَّوْعِ الْأَوَّلِ مِمَّنْ تقبل هذا النور الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيضيء الله بها قلبك ويحييه فالحياة الصحيحة الطيبة لا تكون إلا به واحذر كل الحذر أن تكون من النوع الثالث الذي لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا. Donc regardez, c'est quoi? C'est que le Cheikh ici, comme salam, le Cheikh nous fait quoi nasiha? Il nous montre qu'est-ce qu'il faut faire, en même temps il nous met en garde contre ce qu'il faut pas faire. Regardez quelle éducation, quelle tarbiyya de notre cheikh ici. C'est quoi? C'est, il dit, il faut ihris, yani il faut que tu désires ardemment, hein, faire partie de la première catégorie qui accepte cette lumière avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'Allah illumine ton cœur et le fasse revivre, car la vie bonne et authentique ne peut être qu'avec cette lumière. Et prends garde, mise en garde maintenant, et prends garde de faire partie de la troisième catégorie qui n'accepte pas la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'y prête aucune attention. Cheikh continue en disant, donc ça maintenant c'est la synthèse, qu'est-ce qu'on prend comme fawaïd du hadith? Ma yustafadu min al hadith, awwalan, azamatu ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam min al-huda wal-ilm, ala wa huwa al-Qur'an wa sunnah wa atharuhuma fi hayati an-nas. Donc premier point, première faïda, premier bénéfice tiré du hadith, la grandeur de ce quoi est venu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme guidance et comme science. Et c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna et leurs influences, hein, sur la vie des gens. Quand vous avez fini, vous me le dites, que je puisse faire le deuxième point. الفائدة الثانية تفاوت الناس من حيث الاستعداد لقبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعدمه فالناس معاذن. Donc le cheikh nous dit ici quoi? C'est deuxième point, deuxième faïda, la différence, l'écart entre les gens contre leur disposition à accepter ce avec quoi est venu le messager صلى الله عليه وسلم ou pas. Donc les gens sont différents dans l'acceptation, comme les terres on a vu, elles sont différentes dans l'acceptation de l'eau. Naam. D'accord? Donc je répète, la différence, l'écart entre les gens quant à leur disposition à accepter ou pas, si vous voulez, ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On est, hein, les gens ne sont pas tous identiques. D'accord? Troisième point, الفائدة الثالثة فضل العلم والتعليم ونشر الخير في الناس. Et ça, c'est un point très important en tant que gens de la sunna de comprendre ce point-là. العلم والتعليم. Comme on a dit, l'alim rabbani, man kana aliman, amilan, mu'allima. C'est quoi? C'est la préscience de la science et de l'enseignement de cette science et de répandre le bien parmi les gens. الفائدة الرابعة والأخيرة خطورة الإعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب والسنة من جهة ودلالة هذا الإعراض على رداءة معاد هؤلاء المعرضين وحقارتهم عند الله سبحانه وتعالى. Donc ici le cheikh nous dit, quatrième et dernier point, bénéfice tiré du hadith, en guise de synthèse si vous voulez, le danger de s'écarter de ce avec quoi est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme livre, le Coran, et comme sunnah d'un côté, et indique la bassesse de ceux qui le font, yani qui s'écartent de sa guidance et de sa science, et leur médiocrité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous en préserve. Et avec cela, on a fini le 16e hadith, et on commence, inshallah, et on terminera aujourd'hui là-dessus, inshallah, le 17e hadith. Donc, qu'est-ce qu'il nous restera après, inshallah ta'ala? Il nous restera 18, 19, 20, 21. On a fini le livre, inshallah, donc peut-être, à mon avis, deux cours, inshallah. Hein? Je pense que c'est mieux de faire 2-2. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok. Al-hadith al-sabi'u ashar. الصدق والكذب ونتائجهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والحديث أخرج البخاري. Je vous fais peut-être la traduction d'abord, hein. Donc traduction du titre, hein, on a la tarjama ici, c'est quoi? La véracité, le mensonge et leurs conséquences, yani aux deux, la conséquence du mensonge et la conséquence de la véracité, sidq, d'accord. Qui nous rapporte le hadith? Eh bien, c'est Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu arda'ah. Ben, ce compagnon, il ne devrait plus nous être inconnu, puisqu'on l'a fait sa biographie dans le hadith numéro 5. Qui sait me rapporter, sans regarder les notes, hein, quelques points de la biographie de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu arda'ah. De mémoire, comme ça, ce que vous pouvez, si ça ne va pas, vous regardez vos notes après. On va voir hein, s'il y a du hifd aussi. Hein. C'est important. Hein. Parce que si, maintenant, au 17e hadith, on ne se rappelle plus du 5e hadith. Hein? Quelque chose à comprendre. Hein? Allez, qu'est-ce que vous dites? 5e hadith. Abdullah ibn Mas'ud, c'est qui Abdullah ibn Mas'ud? Abu Abdurrahman. Non. Moi, je dis quelque chose aussi. Mohamed al-Abadila. Il fait partie de. Hein, c'est ce que tu allais dire. Il fait partie d'Abdullah parmi les Sahaba. Il fait partie des grands savants des Sahaba. Je vous aide encore. Par des grands fuqaha. Yazid, les Nikan, les Morcan. Ça va pas, aidez-vous des notes, hein? Qu'il n'y ait pas de blanc dans la cassette, hein? Hmm? Vous regardez dans le livre, peut-être. Alors, personne? Hmm? Abou Zakaria. Tu l'as le hadith, tu l'as. Hein, vas-y. Il est mort quand, il est né quand? Vous savez, il y a un truc important que je voulais vous. C'est un peu pour ça que je vous ai posé la question. Il y a un gros problème qu'on a, nous, dans l'étude, c'est qu'on n'a pas de mudhakara fil ilm. Vous savez, avec ce genre de mudhakara comme ça, c'est ça qui fait tersikh l'ilm, comme on dit. C'est ça qui donne quoi? Le fait que l'information reste enracinée. Et c'est ce qui nous manque beaucoup dans nos méthodologies. Les salafs faisaient ça, rajal anhum ardahum. Les tullab ilm, hein, comme salam, le font. Ils s'assoient et discutent. Hein? Mis'ala, dua, taqsim dua, dalil, qu'est-ce que tu as, sunna, hadith, sihat al-hadith, kada. Et c'est ça qui reste. Vous voyez, quand vous discutez avec un frère de quelque chose, eh bien, ça reste. Hmm? Vous allez voir, Inch'Allah, que maintenant, quand on va le relire ensemble, eh bien, après, Inch'Allah, ça va rester dans nos esprits. D'où l'importance de vous retrouver entre vous de temps en temps, deux par deux ou plus, à vous, hein? De faire ça importe. Vraiment très important. Hein? Dans le livre qu'on avait fait, en tout cas une partie sur l'adab talib ilm, il y a un chapitre entier sur le mudakara fil ilm. Et ça fait partie de la méthodologie dans Talab al-Ilm, correcte à suivre. Hein? Allez, je vous écoute. Mort en l'an 32 de l'Hégire, né en l'an. Le livre est devant vous. Hein? Non? Ok. Rien d'autre? Nommé par Omar, radiallahu anhu, émir de Al-Koufa. D'accord, vas-y. Mulkivar al-Namas, parmi les grands savants. Zid. Ah, ça c'est important aussi. Mais c'est Sabiqil Awalin parmi les premiers convertis. Naam. Inch'Allah, c'est suffisant, je pense. On continue. Donc, le hadith nous dit ici, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu arda, qu'à l'agré, il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit soyez véridique. Car la véracité amène ou guide à l'obéissance, al-birr. Et l'obéissance guide vers le paradis. Un homme n'a de cesse d'être véridique et de rechercher la véracité, hein, d'essayer tout le temps d'être véridique si vous voulez, hein, jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah parmi les véridiques. Et prenez garde au mensonge, car le mensonge mène au mal et le mal amène à l'enfer. Un homme n'a de cesse de mentir et de rechercher le mensonge jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah parmi les menteurs. Et vous voyez, subhanallah, regardez la sunna, comment elle nous éduque. Hein? Elle nous montre ce qu'on doit faire et elle nous met en garde sur ce qu'on ne doit pas faire. Le hadith, il est rapporté par le Bukhari dans le Kitab al-Adab, par Muslim, donc c'est un hadith qu'on appelle comment ? Muttafaqun alayh. Et par Ahmed, il y a certains savants, et je pense notamment à Al-Majid ibn Taymiyyah, qui lui a une autre définition du Muttafaq alayh. Pour lui, le Muttafaq alayh, c'est quand le Bukhari ou Muslim et Ahmed l'ont rapporté. Donc ici, le hadith, hein, il est Muttafaq alayh selon les deux définitions. D'accord ? C'est quoi ? Rapporté par Abu Daoud également, dans Sunan évidemment, Malik, quand on dit Malik, eh bien c'est dans le Muwatta, et Al-Tirmidhi, Sunan, Ibn Majah, dans Sunan, et Darimi, dans le Musnad. Hein? Et alors, j'avais posé la question à Abu Hassan Malik, le frère qui était venu la dernière fois ici, parce qu'en fait, quand vous regardez le Musnad, la définition d'un Musnad, c'est que normalement, c'est rangé par rapporteur. Et quand vous regardez le Musnad Darimi, ça je vous avais déjà dit ça, c'est classé selon l'Abu al-Fiqhiyya. D'accord? Donc, mais il a dit qu'il avait lu une parole de Cheikh l'Albani, et je pense que j'avais lu cette parole-là aussi, que malgré ça, on l'appelle comme Musnad parce qu'il est connu en étant que c'est un Musnad, d'accord? Mais attention, il est classé selon l'Abu al-Fiqhiyya, d'accord? Et Ad-Darimi, donc on a dit dans son Musnad, et cette version est rapportée par Muslim, Wallafdu li Muslimin. D'accord? Rapporteur du hadith, on a dit quoi ? On a dit que c'était Abdullah ibn Mas'oud. Nous avons déjà fait sa biographie lors de l'explication du hadith numéro 5. On l'a revu de manière brève et succincte maintenant. Et maintenant, on fait le vocabulaire du hadith. Le mufradat. Qu'est-ce que nous dit le shaykh ici ? Alaykum, ismu fi'li amrin bima'na ilzamu sidqa. Qu'est-ce que veut dire alaykum ? Hein, vous voyez la force de la langue arabe par rapport à la langue française pour exprimer ce genre de notion. C'est un nom, c'est un mot qui exprime l'ordre, qui a pour sens, hein, ce que vous voulez, c'est un nom verbal, hein, un nom qui a un sens de verbe, hein, d'accord, hein, impératif en plus, un verbe impératif, comme l'a dit ici, fi'al amrin, et attache, qui a pour sens, attachez-vous, barakallahu fik, attachez-vous à la véracité. Alaykum, ilzamu sidqa. Hein, sidq, mutabaqatul khabari lil waqi'. Regarde les définitions. Hein? Si quelqu'un maintenant demande un jour, mais c'est quoi sidq? Mutabaqatu al-khabari lil-waqi'. Regardez comment c'est court et facile à retenir. Le kadi, vous allez voir que c'est le contraire. Mukhalafatul khabar lil-waqi'. Hein? Ça veut dire quoi sidq? Que l'information corresponde à la réalité. Yahdi yadullu wa yarshudu. Indique et oriente, guide. Hein? Al-birr, at-tawassu' fi fi'l al-khayri wa huwa ismun jami'un lil-khayrat kulliha wa yutlaqu 'ala al-'amal al-khalis ad-da'im ad-da'imi. Qu'est-ce que veut dire al-birr? Le fait de s'approfondir dans les bonnes actions, et c'est un nom qui englobe toutes les genres de bonnes actions. Hein? Et on l'utilise pour indiquer l'action sincère et constante. Yataharra, qui vient du verbe yataharra, yataharra. Hein? Ya'tamidu wa yaqsudu. Ya'tamidu, ou plutôt, afwan, yata'ammadu wa yaqsudu. Yata'ammadu wa yaqsudu. Ya'tamidu. Naam, ya'tamidu. Qu'est-ce qu'on a dit en français ici? On va corriger avec le français. À l'intention et le fait délibérément. C'est pour ça que je me demande, c'est pas un khatam atba'i. Moi, je dirais plutôt ya'tamidu par rapport au ma'na ici. Yaqsudu, ya'tamidu. Khair, inshallah. Ala kulli hal, yaqsudu. Ici, on dit quoi? C'est que quand tu as un qasd de quelque chose, tu le fais de manière délibérée, que tu as l'intention. C'est pour ça que moi, je pense, Allah alim, que ici, ya'tamidu serait. Non, ya'tamid, c'est se baser sur. Ah. Non. Tu vois, ya'tamidu ici, ce qui est marqué justement, c'est le fait de se baser sur quelque chose, tu vois? Tandis qu'il y a ta'ammad, c'est de faire quelque chose de manière délibérée, consciente. Donc je pense ici, là, qu'il y a un khatam atba'i, c'est plutôt il y a ta'ammadou. Le ta est avant l'a. D'accord ? Donc c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Avoir l'intention et le fait quoi ? De le faire délibérément. Donc tu as l'intention et tu le fais comment ? Délibérément. D'accord ? Al-Fujur, qu'est-ce qu'elle Fujur ? Al-Nbi'athu fil ma'asi. Wa huwa ismun jami'un lish-shar. Qu'est-ce que veut dire le fujour? se plonger dans les péchés, wal'adou billah, et c'est un nom générique pour toutes les mauvaises choses, pour tout le char. Hein? Et que l'origine de l'fujur, c'est l'asl al-fajr, hein? Comme j'ai vu dans le Qamus al-Muhit de l'Abadi, j'ai jeté un coup d'œil tout à l'heure, c'est quoi? C'est, ça vient de l'origine du mot fajr, c'est une longue, large fissure. D'accord? Ou al-kadhib, hein? وإياكم صيغه تحذير من الشر أو ما يضر. إياكم, c'est une manière de mettre en garde contre le mal et de ce qui fait mal, qui n'est pas bénéfique. يضر, hein, comme on dit en arabe, d'accord, c'est le contraire de ينفع, hein, d'accord. الكذب, eh bien on a dit c'est quoi, bien c'est tout à fait le contraire de الصدق, et c'est quoi, مخالفة الخبر للواقع. Je voudrais que les frères qui ont des éditions, je vois que des pages jaunes. Est-ce que c'est le Darminhaj aussi que vous avez? C'est la même. Regardez un peu si vous avez Yata'amado ou Ya'tamido. Vous avez Ya'tamido aussi? C'est la même édition, c'est juste la couleur qui change. Le sens général du hadith, Al-Ma'na al-Ijmali. As-Sidqu khuluqun nabil wa min usus al-fada'il. Bihi tastaqimu al-hayah wa tasiru bihi siran hamida. وإن الصدق ليعلي صاحبه ويرفع منزلته عند الله وعند الناس فيكون محترم الكلمة محبوبا إليهم مقبول الشهادة والحديث عندهم. Donc la véracité est un comportement noble, nabil, hein? Et fait partie des fondements des bonnes choses. من أسس الفضائل, des choses qui ont préséance. Avec la véracité, la vie suit la voie de rectitude, testaqim al-hayah. Et le cheminement sur cette voie de rectitude, c'est ça qu'il faut comprendre ici, c'est fait d'une bonne manière. Regardez l'importance de sidq. La véracité, sidq, elle élève certes le degré du véridique auprès d'Allah et auprès des gens. Sa parole est respectée, il est aimé par eux, son témoignage et son hadith sont acceptés. Hein? Tandis que le menteur, on ne prend même pas lui le hadith. Sa parole n'est pas considérée, on ne le respecte pas, il n'a aucune valeur auprès des gens, alors que dire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh, comme à son habitude, nasiha du cheikh, fa'alayka bitahri sidqi fil qawli wa fil aqidah wa fil amal. لقد أرشدنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى مسألة تربوية عظيمة وهي طريق تربية الخلق وتكوينه وتقويته في النفس وذلك بأن يتحرى الإنسان القول الجميل والصنع المجيد ويقصد إلى عمله المرة بعد الأخرى والرابعة تتلو الثالثة والسادسة بعد الخامسة حتى يؤثر هذا التكرار في نفسه وكلما أصر على متابعة ذلك العمل ازداد لصوقا بنفسه ورسوخا فيها. Donc qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Il t'incombe, il t'est obligatoire de rechercher la véracité dans la parole et dans la croyance ainsi que dans les actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés vers un point comportemental très important. Et c'est la manière d'éduquer ton comportement et de le renforcer dans l'esprit. Hein? Et c'est en recherchant la belle parole et la belle action. Il le fait de manière délibérée la première fois, la deuxième, hein, vous voyez cette notion de chercher, le mot en arabe, yataharri, hein, une fois, tu essaies d'être véridique, une fois, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que tu deviennes véridique et qu'Allah t'écrive parmi les véridiques. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Et c'est pour ça que le shir le dit ici, hein, chaque fois, tu jahid nafsak, hein, pour être véridique dans ce que tu fais, dans ce que tu crois, dans ce que tu dis, dans ce que... Hein, il le fait de manière délibérée, hein, la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième, hein, la cinquième, la sixième encore après, jusqu'à ce que cette répétition influence son esprit. Et tant qu'il continuera à poursuivre cette action, ce comportement, il collera plus et s'enracinera plus dans son esprit. Je pense que c'est clair. D'accord ? Cheikh continue en disant, « فَمَنْ طَمَحَتْ نفسه إلى منازل الصديقين وأن يكون الصدق خلقه وشميته عفوا وطبعه فليتحرى الصدق في أقواله وأعماله وليتابع ذلك فإذا بالصدق خلقه وإذا به يحتل بعون الله منازل الصديقين. وكما أن الصدق من أسس الفضائل فإن الكذب من أسس الرذائل. به يتصدع بنيان المجتمع، يتصدع بنيان المجتمع ويختل سير الأمور، ويسقط صاحبه من عيون الناس ويسقط صاحبه من عيون الناس، لا يصدقونه في قول ولا يثقون به في عمل، أحاديثه باطلة، لذلك حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Point très très très très important ici. Celui dont l'esprit veut s'élever, hein, au rang des véridiques, et que la véracité soit son comportement, devienne son comportement, et son tempérament, et sa nature, hein, ça fasse partie intégrante de toi. D'accord ? Qu'il soit véridique dans ses paroles. Tu veux être comme ça ? Eh bien, sois véridique dans tes paroles, dans tes actions. Et qu'il soit constant, cela. Il y a une notion de constance. Vous allez voir qu'après, le cheikh va parler de patience aussi. Et les deux vont ensemble. Hein. Si la véracité et son comportement, il occupera avec l'aide d'Allah les degrés des véridiques. Avec l'aide d'Allah, bien sûr. Donc on doit demander à Allah de nous aider à être véridiques. Comme la véracité fait partie des fondements, des bases, des nobles choses, le mensonge fait partie des fondements, des basses choses. Par lui, le mensonge se fissure la construction de la société, le mujtama. Hein? Et les choses ne vont plus comme il faut. Et celui qui ment n'a plus de valeur aux yeux des gens. Hein? Quand quelqu'un ment, tiens, ne fais même pas attention à ce qu'il dit. Hein? Ils ne le croient pas dans la parole et ne lui font pas confiance pour une action. Même dans l'action. Ces hadiths, ces paroles sont vaines. Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le messager, contre le mensonge à Afwan. Il y a de nombreux versets, et on va continuer avec la parole en arabe d'abord de Cheikh Rabi'. Wa fil Qur'an al-Karim, kathir min al-ayat al-muqbiha lil-kadhib al-munaffira anhu al-mutawa'ida alayh bil-adhab al-shadid. Il y a de nombreux versets dans le Coran qui montrent la laideur du mensonge et font fuir du mensonge et mettent en garde contre le lourd châtiment qui en découle, hein, et qui découle du mensonge. قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم سورة النحل. وقال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون سورة النحل également. Deux versets de Sourate Nahl ici, hein, le premier verset 116-117 et deuxième c'est 105. D'accord ? Premier, donc la traduction approximative, et ne dites pas conformément au mensonge proféré par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. Deuxième verset, seul forge le mensonge, ou la traduction en tout cas, seul forge le mensonge ceux qui ne croient pas au verset d'Allah et tels sont les menteurs. Sourate Nahl, verset 105. Donc vous avez maintenant déjà, alhamdoulilah, deux versets et un hadith sur l'interdiction du mensonge. Il y en a de nombreux en dehors de ça. وَهَلْ الشِّرْكُ وَاتِّخَادُ الْأَنْدَادِ الَّذِي هُوَ أَكْبَرُ الْجَرَائِمِ وَالذُّنُوبِ إِلَّا كَذِبٌ وَهَلْ النِّفَاقُ الَّذِي هُوَ شَرٌّ مِنَ الْكُفْرِ الصَّرِيحِ إِلَّا كَذِبٌ وكذلك الغش في المعاملة ونية الإخلاف في المواعيد والرياء في الأعمال كلها من ضروب الكذب. Donc Cheikh continue en disant quoi? Et l'association et le fait de donner des semblables à Allah, qui est le plus grand des péchés, comme on a déjà vu, hein, n'est-il pas qu'un mensonge? Et l'hypocrisie qui est pire que la mécréance claire, parce que la mécréance cachée, c'est que tu montres l'islam et tu caches, hein? C'est ça la définition de l'hypocrisie, que tu caches la mécréance à l'intérieur de toi. Hein? Bien, cette hypocrisie qui est pire que la mécréance claire n'est-elle pas qu'un mensonge? Et la tricherie dans les transactions et le fait d'avoir l'intention de ne pas respecter les rendez-vous et l'ostentation, ria, dans les actions sont tous des genres de mensonges. Regardez le khatar al-kadhib, hein? Et les genres de kadhib qu'il peut y avoir. Wa'yadu billah. Ensuite encore Cheikh Nasiha du Cheikh ici hafdahullah ta'ala fabta'id ayyuha al-muslim 'an al-kadhib warba' bi nafsika 'an tahrih fa inna fihi wa fi tahrih wa taqassudihi al-halak wal inhidar ila huwat al-fujur لانه يسوق صاحبه ويجره الى منازل الفجار وان الفجار لفي النار وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين سوره الانفطار Éloigne-toi ô musulman du mensonge et domine ton esprit pour qu'il ne recherche pas le mensonge comme dit yatahara al-kadhib yatahara sidq hein comme de manière constante tu cherches à être véridique hein il y a des gens de manière constante ils vont chercher à mentir jusqu'à ce qu'ils soient écrits auprès d'Allah parmi les menteurs wal'adu billah. Et ça, c'est dans les actions, dans la croyance et dans les paroles, comme il a dit le Cheikh. Éloigne-toi aux musulmans du mensonge et domine ton esprit pour qu'ils ne recherchent pas le mensonge. Car il y a dans le mensonge et le fait de mentir délibérément la perdition, le déclin, al-halak, la régression, le déclin vers l'abîme du mal. Ila huwatil fujur. Car le mensonge amène celui qui le commet et le tire vers le degré des libertins. Qu'est-ce qu'Allah Azzawajal a dit sur les libertins hein? Et les libertins sont certains en enfer. Qu'est-ce qu'il a dit? Comme on le voit dans la traduction approximative du verset de Surat Al-Infitar, et les libertins seront certes dans une fournaise où ils brûleront le jour de la rétribution. Wal'adou billah. Wa inna al-fujjara la fi jahim yaslawnaha yawm ad-din. Surat Al-Infitar, verset 13-14. Et on termine avec quoi? Avec les fa'o'id tirés du hadith, les bénéfices tirés du hadith, en guise de synthèse toujours. D'accord? Al-fa'idatul oula. ما يستفاد من الحديث الفائدة الأولى وجوب التزام الصدق قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سورة التوبة ça c'est un verset un ordre clair un commandement clair d'Allah سبحانه وتعالى et je vous rappelle que les ordres ont valeur de quoi d'obligation l'obligation de s'attacher à la véracité traduction approximative du sens de la parole d'Allah « Oh, vous qui croyez !» À qui parle Allah Azza wa Jalla ? Il s'adresse aux croyants. « Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. »« Ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. » Craignez Allah et soyez avec les véridiques. Surat al-Tawbah, verset 119. Al-fa'idatu thaniya. في الحديث قاعدة تربوية. I just like to remind brothers to keep quiet please during the lessons. جزاكم الله خيرا. في الحديث قاعدة تربوية وهي أن من أراد أن يتخلق بالأخلاق العالية كالصدق والصبر والشجاعة فليتحرها وليتقصدها وليواظب عليها فبتحري الصدق والتزامه يصبح صادقا وبالتصبر وتحمل الشدائد يصبح الصبر له خلقا وبالمداومة على الرذيلة وتحريها يصبح الرجل كذابا ورذيلا. Deuxième point, il y a dans ce hadith, deuxième faïda, une règle dans l'éducation. Hein? Et ça, ça nous, on s'adresse à nous, n'oublie pas que, quoi? En tant que gens de la sunna, on est censé être des éducateurs pour tout le monde, et en premier pour nos familles, nos enfants. Hein? Donc il y a une règle à prendre ici. On se doit d'apprendre la véracité à nos enfants. On doit les faire grandir avec cette véracité-là. Hein? C'est un point très très important. Pourquoi? Parce qu'il amène al-fujur, le fujur l'amène al-nar, al-kadib. Et al-sidq il amène à quoi? Al-bir, al-bir il amène al-jannah. Rassinnar al-jannah, c'est pas du jeu, c'est des choses importantes dans la vie. Hein? C'est les choses les plus importantes. D'accord? Il y a dans ce hadith une règle dans l'éducation que celui qui veut se doter, s'orner de comportements haut en degré, comme la véracité, la patience. Vous voyez ce qu'il a dit le Cheikh ici, la patience, le courage. Il se doit de le rechercher, d'essayer ardemment, et les chercher délibérément, et d'être constant dans ses comportements. Ça, c'est un point très important aussi. Car en recherchant la véracité, et en s'y attachant, il devient véridique. Et en étant patient, persévérant, et en patientant dans les moments difficiles, la patience devient pour lui un comportement. Et en étant constant dans la bassesse et en la recherchant, il devient menteur, bas, vil, ignoble. Le fait d'être thalitha, وفي الحديث التحذير من الكذب ومن تحريه. Il y a dans ce hadith une mise en garde contre le mensonge et le fait de rechercher le mensonge. Quatrième et dernier point, pour aujourd'hui en tout cas. الفائدة الرابعة وأنه يقود إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار أعاذنا الله من الكذب والفجور والنار. Qu'est-ce que le Cheikh termine en disant? جزا الله خير الجزاء وحفظه الله. Que le mensonge amène au mal et que le mal amène à l'enfer. Et il termine par une dua qu'Allah nous en préserve, nous préserve du mensonge et du mal et de l'enfer. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيراً.